me semblait que Michel au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quels sont les principes distinctifs de la démocratie à l'état de paix, demande la philosophe Claudine Tiercelin. Quels sont les rapports entre les citoyens au sein de la démocratie, mais aussi les rapports entre État et citoyens? La démocratie a-t-elle pour dessein d'être une victoire sur la nature et sur l'histoire? Est-elle essentiellement idéaliste, demande encore la philosophe. Claudine Tiercelin, titulaire de la chaire de métaphysique et philosophie de la connaissance, normalienne passée par Berkeley, poursuit sa grande enquête à la fois en logicienne et en philosophe analytique sur les relations que l'on peut ou non tisser entre les trois concepts de connaissance, vérité et démocratie dans le cadre de la série de cours qu'elle a donnée en 2017. La philosophe s'attache aujourd'hui et demain à montrer, selon ses mots, et je la cite, « comment les approches épistémiques de la démocratie visent, mais sans succès, à donner un peu plus de substance au concept de démocratie, soit en insistant sur la qualité épistémique nécessaire de la procédure, soit en réintroduisant le concept même de vérité. Elle interroge alors un modèle foncièrement inspiré de Peirce qui ne réduit la vérité ni à l'acceptabilité qualifiée, ni à l'acceptabilité garantie, et qui présente la connaissance comme une enquête où se jouent des croyances et des doutes, mais aussi des raisons, des arguments, et la confrontation avec l'expérience de faits réels qui permet de construire un concept de démocratie comme espace de raison. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 29 mars 2017 pour le cours de Claudine Tiercelin, Connaissance, vérité et démocratie, aujourd'hui, de l'approche épistémique à l'approche pragmaticiste. En examinant la dernière fois certaines lignes de force des travaux de Rawls et Habermas, ceux dont il est difficile de sous-estimer l'influence dans les discussions qui ont alimenté, à partir des années 1980 et qui continuent d'alimenter la réflexion des théoriciens qui s'enracinent dans la tradition de ce qu'il est d'usage désormais d'appeler la démocratie délibérative, nous avons pu noter à quel point, et quelle que soit la diversité de leurs approches et des désaccords aussi qu'il y a entre eux sur nombre de points, il était en définitive difficile de les lire à partir d'un clivage que certains semblent pourtant vouloir maintenir entre une approche qui serait procédurale et une approche substantielle de la démocratie. Par conception procédurale de la démocratie, on entend généralement celle qui ferait reposer la légitimité des décisions politiques uniquement sur la nature des procédures qui les produisent, et par exception substantielle, celles qui font reposer cette légitimité sur la conformité des résultats produits à des critères substantiels indépendants de la procédure. Comme nous avons pu le vérifier, cette distinction n'est pas facile à maintenir si l'on veut à la fois éviter en fait l'arbitraire, auquel cas il faut bien justifier par des critères indépendants la procédure et se donner la possibilité d'évaluer la légitimité démocratique, ce qui suppose bien de se pencher sur la nature de la procédure. Et de cette difficulté témoignent du reste les nombreuses discussions entre les théoriciens contemporains de la démocratie, dont on voit bien qu'elles se heurtent à la difficulté suivante. Soit on privilégie une approche substantielle, et alors la protection des droits individuels de base, n'est-ce pas, sont saufs, mais on met aussi des freins à la capacité d'autodétermination du peuple, ce que l'approche délibérative était pourtant censée mettre en valeur. Ou bien, comme c'est par exemple ce que préconise Seyla Ben Habib, en privilégiant donc une approche procédurale, on considère par exemple qu'un idéal de type rawlsien est trop rigide, trop étroit, trop limitatif, trop a priori aussi, puisqu'il reste victime au fond de la fiction d'un peuple rassemblé, et alors on tâche de lâcher la bride à la capacité de délibération et d'argumentation, au progrès que celles-ci permettent de réaliser dans la connaissance sociale notamment, sur la délimitation du public et du privé, et aussi dans le meilleur ajustement possible des intérêts conflictuels. On privilégie le respect de l'équité, mais alors on fait aussi courir des risques que les décisions ne respectent pas toujours les libertés fondamentales. Ou bien on met en avant tel ou tel critère substantiel, indépendant de la procédure, justesse morale, vérité factuelle, mais qu'est-ce qui interdit dans ce cas d'évaluer le contenu des décisions produites ? N'est-il pas du reste évident, comme le pensent à l'inverse des auteurs comme Bruce Ackerman ou Amy Gottman et Dennis Thompson, et même sans invoquer on ne sait quelle perspective transcendantale, que la valeur fondationnelle de certains droits fondamentaux est bien établie et que, loin d'émerger de la procédure, elle la fonde, garantissant ainsi la légitimité des décisions. Eh bien, on peut penser que certains droits, plus que d'autres, par exemple le droit à la vie privée, donc certains droits, tels que la liberté d'expression, plus que d'autres, comme celui du droit à la vie privée, ne sont pas en danger, puisqu'ils sont requis, au fond, par la démocratie délibérative elle-même. Mais est-il à ce point sûr que ce droit lui-même soit en quelque sorte sanctuarisé et que la liberté d'expression ne puisse pas être, au fond, elle-même en péril ? Comme vous le savez, nous touchons là à des questions particulièrement délicates. Devons-nous, comme le pense Chomsky, au nom précisément de ce droit imprescriptible, accepter que cette liberté s'exerce sur tous les sujets ? Auquel cas on doit accepter, par exemple, le discours négationniste, s'il souhaite s'exprimer ? Ou faut-il, sur certains sujets, verrouiller en quelque sorte le discours ? Auquel cas, si on le fait, comment ne pas aussi admettre que les verrous en question puissent valoir sur d'autres sujets, notamment religieux ? Auquel cas, cela veut bien dire qu'on peut remettre en cause, comme cela vient tout récemment d'être le cas au Canada, des droits qui ont toujours été la marque de la liberté d'expression, comme le droit au blasphème. Les tentatives menées par les théoriciens de la démocratie délibérative, depuis une bonne vingtaine d'années, pour tenter de résoudre ces tensions, montrent à la fois qu'une approche purement procédurale ou purement substantielle risque de ne pas suffire si l'on veut pouvoir préserver et la raison publique et la démocratie délibérative. De plus en plus, on se pose la question de savoir, par exemple, s'il ne faut pas être plus attentif à la qualité de la délibération elle-même. Suffit-il, par exemple, de participer, de discuter tous ensemble debout sur une place, parce que l'on a sans doute de bonnes raisons d'être déçu par la qualité des débats démocratiques qui se tiennent dans les institutions censées en priorité les rendre possibles et en assurer la qualité et le bon fonctionnement dans un gouvernement représentatif, le Parlement, voire les partis, pour que l'on puisse parler de délibération. Ne faut-il pas certains garde-fous si l'on veut être sûr que les processus démocratiques engagés dans ces forums ne transforme pas l'espace démocratique en un simple terrain de jeu purement démagogique, où c'est le sophiste et le rhéteur à la Cariclès qui aura les meilleures chances de s'imposer. Témoignent aussi de cette prise de conscience les efforts déployés, par exemple, par un théoricien d'abord Convaincu par le procéduralisme, comme Joshua Cohen, qui constatant les risques d'une telle approche, et dans une perspective qui reste foncièrement rawlsienne, a cherché à mieux assurer la protection des droits et des libertés, en imposant certaines contraintes, ce qu'il appelle un principe d'inclusion délibérative sur la délibération. En vertu de ce principe, et sans faire appel à un principe substantiel extérieur à la délibération comme, par exemple, la justice, quand ils délibèrent, au fond, les citoyens ne doivent avancer, je cite, « que des considérations que les autres ont des raisons d'accepter, étant donné le fait du pluralisme raisonnable et la supposition que les autres sont raisonnables. » Donc vous voyez, c'est bien ici une norme du raisonnable, à mi-chemin donc entre l'approche substantielle et procédurale, qui régit la délibération. Sera compris comme raisonnable ce qui est compatible avec l'engagement à participer à une association s'autogouvernant par la délibération publique. Mais si on peut d'emblée s'accorder sur le raisonnable en même temps, bien à quoi servira à ce moment-là la délibération elle-même ? Et comment, deuxième problème, comment déterminer précisément ce qui est raisonnable et ce qui est déraisonnable, sans faire intervenir d'autres critères d'évaluation que des critères procéduraux ? Comme le fait observer Charles Girard dans cet article que j'évoquais l'autre jour, « Raison publique rawlsienne et démocratie délibérative », deux conceptions inconciliables de la légitimité, Cohen affirme que le principe d'inclusion délibérative permet non seulement d'éliminer des propositions clairement antidémocratiques, des mesures par exemple légalisant l'esclavage, mais également de protéger la liberté religieuse ou la liberté d'expression artistique, qui ne saurait être protégée en tant que prérequis de la délibération. Remettre en cause, par exemple, la capacité des citoyens à satisfaire à des obligations religieuses ou à des désirs artistiques qui leur paraissent impérieux pour des motifs qui ne sont pas impérieux serait, par exemple, clairement inacceptable. Mais le problème est que le désaccord opposant défenseurs et critiques de ces libertés repose précisément sur des évaluations différentes de ce qui est impérieux. Par exemple, le droit d'explorer la sexualité humaine par l'art pour les uns, le droit de protéger la société contre l'influence néfaste de la pornographie pour les autres. Donc ce n'est pas le critère du raisonnable, mais un jugement sur la valeur des revendications en présence qui permet de trancher ou de ne pas trancher, du reste, le conflit dans un sens ou dans un autre. L'articulation de la démocratie délibérative et de la raison publique paraît conduire, on le voit, à la neutralisation soit de la première, soit de la seconde. Fin de citation. On voit que s'impose ici une réflexion aiguë sur la meilleure manière en particulier de résoudre les conflits et les désaccords, et que les théoriciens politiques et les philosophes de la connaissance qui ont beaucoup apporté aux discussions dans le cadre de ce que l'on appelle l'épistémologie du désaccord, à laquelle j'avais consacré un colloque au printemps 2011, dont vous trouverez les vidéos sur le site, et dont je suis enchantée de voir que maintenant on commence un petit peu à s'y intéresser un peu plus, ont intérêt à conjoindre leurs efforts. Étant acquis le principe du pluralisme axiologique, le fait difficilement contestable de certains désaccords tenaces, faut-il considérer qu'ils sont tellement tenaces qu'ils soient irréductibles ? Et si oui, faut-il plutôt à ce moment-là chercher à parvenir à une forme de consensus par recoupement, ce que recommande Rawls, ou faut-il plutôt privilégier ce que Rawls, pour sa part, ne veut pas privilégier, n'est-ce pas, mais ce qu'on appelle justement le modus vivendi, et travailler à partir de ces dissentiments dans le sens plutôt d'une politique du compromis. Comme vous le savez, les discussions qui en philosophie politique opposent les communautariens et donc toute la politique des accommodements raisonnables, etc., et les libertariens et les républicains, sont l'illustration bien vivante de l'acuité du problème qui montre à quel point les conflits moraux débouchent sur des désaccords politiques profonds. Et il n'est pas sûr que les efforts déployés par certains, comme Amy Gutmann et Dennis Thompson, par exemple, dans leur livre « Democracy and Disagreement », qui introduisent deux ordres dans l'espace théorique et insistent aussi sur l'importance d'un principe de réciprocité, sur le caractère dynamique, provisoire et révisable de leur modèle, qui préfère voir les trois principes substantiels de la démocratie, liberté de base, opportunité de base, opportunité équitable, comme susceptibles, en définitive, d'évoluer dans le temps, plutôt que comme des principes fondateurs, permettent d'offrir toutes les garanties d'une économie du désaccord raisonnable. Ce que révèlent en tout cas ces difficultés, me semble-t-il, c'est la prise de conscience de plus en plus nette chez les théoriciens de la démocratie, non seulement qu'ils doivent mieux intégrer certaines réflexions qui ont été menées au sein de l'épistémologie elle-même, mais aussi et surtout que la légitimité de la démocratie ne pourra se faire que si, d'une part, la procédure délibérative garantit bel et bien la préservation des droits et libertés de base. Et si, d'autre part, il est possible de montrer que c'est la qualité de la délibération et de l'argumentation qui permet vraiment de produire les bonnes décisions. C'est ce sur quoi vont mettre l'accent précisément les approches dites épistémiques de la démocratie, parmi lesquelles celles de Elizabeth Anderson, Joshua Cohen ou David Eslund. Bon, il n'est pas naturellement dans mon intention de présenter la position de ces représentants de l'approche épistémique de la démocratie dans le détail, ni même simplement la position détaillée de David Eslund. Je vous renvoie à l'exposé qu'a fait au séminaire Juliette Roussin. En quelques mots, quel est l'objectif de David Eslund, tel qu'il se dégage notamment de son livre influent, traduit en français chez Hermann, « L'autorité démocratique ». Eslund considère, avec raison, que la justification de la démocratie ne peut donc faire l'économie de certaines caractéristiques qu'il qualifie d'épistémiques. Et que si l'on veut pouvoir asseoir la légitimité de la démocratie, il faut faire intervenir, et pour des raisons qu'il partage grosso modo avec Rawls, non pas la vérité, mais ce qu'il appelle, non pas comme Rawls, du raisonnable, mais des critères d'acceptabilité qualifiés. Bon. Soucieux au moins autant de déterminer ce qui permet d'asseoir l'autorité que la légitimité de la démocratie, il considère que cette autorité n'est légitime que si elle a un pouvoir épistémique, même si ce pouvoir épistémique est, dit-il, modeste. Contrairement à ceux qui défendent le procéduralisme sur la seule base de l'équité, et donc sur la base de l'égal respect dû, n'est-ce pas, à nos concitoyens, bon, que manifestent donc ou favorisent les procédures, Eslund pense que cette façon de voir les choses ne permet pas de juger moins acceptable une décision qui aurait été prise en tirant à pile ou face ou en tirant au sort un bulletin de vote parmi tous ceux qui ont été déposés qu'en délibérant ou en votant. Si l'on veut en particulier défendre la règle de la majorité, il faut le faire sur d'autres bases et donc expliquer pourquoi une discussion politique informée et argumentée est meilleure. Sans qu'il faille pour autant, je le répète, dire qu'elle est nécessairement correcte et encore moins vraie. C'est pourquoi Eslund s'inscrit bien dans une perspective non pas substantielle, n'est-ce pas, mais bien procédurale. Il s'agit de défendre ce qu'il appelle un procéduralisme épistémique. Les décisions sont ainsi le produit de procédures qui ont tendance à produire des lois justes selon un taux un peu meilleur que ne le ferait une procédure parfaitement aléatoire et que n'importe quel autre type de gouvernement qui puisse se justifier dans les termes de la raison publique. Les principes démocratiques sont justifiés sur la base donc de la tendance qu'ont les procédures délibératives à produire de bons résultats ou encore à favoriser la clarification des perspectives soutenues, plutôt qu'en raison, je le répète, de la correction effective des décisions qui sont prises. Le critère retenu pour valider nos principes n'est donc pas la vérité, ce n'est même pas la correction effective, car on courrait alors le risque de la déférence, en particulier que les électeurs qui sont dans la minorité acceptent de considérer que leur jugement est faux. Or, cela serait incompatible avec le respect des points de vue minoritaires, et on ne peut pas l'imposer aux électeurs. Eslund propose donc comme critère celui de ce qu'il appelle l'acceptabilité qualifiée, dont le rôle est de limiter précisément le rôle de la vérité et de la connaissance dans les décisions publiques. En particulier, ce principe met à l'abri dans un gouvernement des experts, ce que Eslund appelle une épistocratie. Nous ne pouvons pas, en effet, donner raison aux platoniciens, considérer que les décisions ne peuvent être prises que par ceux qui savent ou sont censés savoir. D'une part, parce que même si on peut envisager qu'ils ont plus de chances d'être près de la vérité, d'en savoir plus ou mieux que d'autres, non seulement on ne peut pas exclure qu'il y ait entre des désaccords, mais aussi et surtout, en aucun cas, sauf à sombrer dans le sophisme de l'expert-chef, le savoir ne peut jamais légitimer l'autorité et l'on doit continuer à être respectueux du principe d'équité. Il faut donc éviter toute intrusion, vous l'aurez compris, d'un substantialisme trop épais du type que vous pouvez trouver justement chez Platon ou chez les partisans de la conception classique de la démocratie comme Rousseau, Condorcet ou Stuart Mill. Il faut veiller à ne pas confondre légitimité et validité. Une fois encore, vous l'aurez compris, la justification d'une décision n'est donc pas évaluée à l'aune de sa vérité, ni même de sa rectitude, mais à l'aune de son acceptabilité. Et ajoute Eslund, il faut qu'elle soit acceptable pour tous les points de vue qualifiés. Mais comme on a pu le faire remarquer, je vous renvoie notamment aux critiques de Elisabeth Anderson, Eslund reste en définitive assez silencieux sur ce que recouvre pour lui ce fameux concept d'acceptabilité qualifiée. Et on finit d'ailleurs par se demander en quoi le procéduralisme, dans un schéma aussi modeste, reste vraiment épistémique. Notamment, puisque Eslund est le premier à admettre que sa réflexion, au fond, se place essentiellement sur le plan des conjectures plausibles, plutôt qu'elle ne cherche à être étayée par des faits empiriques. En outre, la lecture critique qu'il propose du théorème du jury est douteuse. Si l'on veut défendre une approche épistémique de la démocratie, suggère Anderson, il ne faut pas présupposer que les électeurs individuels ont à la base des jugements indépendants qui valent mieux que si on avait tiré à pile ou face. Il faut plutôt supposer que les discussions et les délibérations qui répondent aux différentes informations et perspectives permettent collectivement l'amélioration de leur capacité à prendre de bonnes décisions, même si les individus en général, à titre individuel, sont épistémiquement peu fiables. Vous vous souvenez, j'avais aussi évoqué une critique de Bernard Manin qui allait un petit peu en ce sens, c'est-à-dire qu'il ne faut pas sous-estimer la capacité de la délibération à faire progresser justement les appréciations ou les opinions des individus. Si vous voulez, hein. Bon. Donc, même si Eslund pense que l'un des mérites de son procéduralisme et de permettre d'éviter ce qu'il appelle des mots premiers, des mots dont il ne viendrait à l'esprit de personne de considérer qu'il est important de les éviter, guerre, famine, crise économique, crise politique, épidémie, génocide, ce qui permet en général de parvenir sur des sujets de ce genre à de bonnes décisions, que penser d'un système qui qualifie comme politiquement illégitime, mais sans que l'on puisse, enfin, certaines raisons qui ne sont pas justifiables pour toutes les personnes qualifiées, mais sans qu'on puisse nier que ce sont de bonnes raisons, et qui considère que la valeur non épistémique du respect civil, de l'équité et de l'autonomie ont de toute façon la préséance sur le critère épistémique de l'acceptabilité. À cet égard, on peut considérer qu'un pas est nettement franchi dans le sens d'une approche plus épistémique réellement de la démocratie par Joshua Cohen, qui a été de plus en plus sensible à la nécessité de rendre compte de ce qui peut constituer la valeur épistémique de la démocratie, que l'on ne peut pas ne pas invoquer, dit-il, dans une enquête sur ce qui permet de déterminer ce en quoi consiste la légitimité de la démocratie. Il est tout à fait intéressant de noter en effet que Cohen est désormais convaincu que l'on doit réintroduire le concept de vérité lui-même dans une telle approche. Il en est convaincu pour les raisons que nous avions soulignées d'emblée lors du premier cours, vous vous en souvenez, à savoir que si on ne prend pas du tout la vérité en compte dans le débat public, alors il y a toute une série de vérités, non seulement des vérités mathématiques, du style 2 plus 2 égale 4, mais des vérités banales, celles de la vie de tous les jours, des vérités factuelles, n'est-ce pas, que l'on met tout simplement de côté, du type de celles que j'avais évoquées en rappelant les mises en garde par Orwell du citoyen ordinaire, et auquel Orwell nous demandait, comme Russell du reste, d'être constamment sensible. Si nous nous méfions du concept de vérité, au point de décider de nous en passer complètement, alors c'est aussi la possibilité même de la différence entre mensonge et vérité, mais aussi celle même du désaccord public que nous remettons en cause. Or, comment nier et la réalité objective et l'importance qu'ils ont dans notre vie d'homme et de citoyen ordinaire? Dans ce texte de 2009, Truth and Public Reason, Cohen part donc de ses observations pour construire ce qu'il appelle un concept politique de vérité. Il rejette à cette occasion toute la conception de Hannah Arendt que j'avais évoquée au début, vous vous en souvenez. Il prend exactement le contre-pied de la position d'Arendt. Ce n'est pas, dit-il, en quoi il reste fidèle à John Rawls, un concept métaphysique. C'est un concept politique, c'est un concept minimal sur lequel nous pouvons tous nous entendre pour délibérer et argumenter. Nous devons inclure ce concept, étant entendu que ce faisant, nous n'avons pas besoin de l'intégrer à telle ou telle théorie philosophique de la vérité, pas plus que nous n'avons à inclure une théorie philosophique de la raison lorsque nous nous livrons à une analyse de ce qui est raisonnable. Il nous suffit de comprendre que cela sert les fins de l'argumentation politique publique, mais cela ne va pas au-delà. On peut ainsi s'entendre minimalement sur quatre aspects, au fond, qui nous donneront un contour acceptable de ce concept politique de vérité, en termes, dit-il, d'attitude, de correspondance, de contraste et de valeur. Collège de France et France Culture vous présente la philosophe Claudine Tiercelin, Connaissance, vérité et démocratie, de l'approche épistémique à l'approche pragmaticiste. Voici donc les quatre caractéristiques auxquelles Cohen pense, sur lesquelles Cohen pense que nous pouvons nous mettre d'accord, si vous voulez, dans toute espèce de délibération et d'argumentation que nous pouvons envisager dans le cadre de l'espace public. Attitude tout d'abord. Ce sont des points dont j'ai déjà eu l'occasion de parler et je pense qu'ils ne vous seront pas donc totalement non familiers. Attitude d'abord. Croire, asserter, juger, c'est croire que quelque chose est vrai. En d'autres termes, c'est admettre que la vérité est une norme qui régit nos croyances, nos assertions et nos jugements. Donc, on part, si vous voulez, du caractère normatif constitutif de la croyance. voilà, dont la vérité est un trait absolument inéliminable. Deuxième caractéristique, ce qu'il appelle la correspondance. Alors cela va tout de suite vous mettre la puce à l'oreille, comment, mais si on a bien suivi le cours, théoriquement c'est un faux concept. Bon, mais bien entendu, justement, il entend préciser ce qu'il veut, mais là-dessous, n'est-ce pas ? Des croyances vraies, dit-il, présentent les choses telles qu'elles sont. Autrement dit, il suffit de respecter, au fond, ce qui est donné par la définition aristotélicienne. Elles disent de ce qui est que cela est, et de ce qui n'est pas que cela n'est pas. Bon. Ce qui est en un sens, nous l'avons vu, assez peu discutable, et qui correspond à la manière dont sont les choses, même si ce faisant, on ajoute, ni ne nie, prend-il soin de préciser, que ces croyances présentent les choses telles qu'elles sont en elles-mêmes, de façon déterminée et indépendamment de l'esprit. Troisième caractéristique, donc, de base, si vous voulez, qui peut servir à notre concept politique de la vérité. Il y a une distinction à faire entre la vérité et la garantie ou la justification. Vous observerez que jusqu'à présent, tous les théoriciens de la démocratie que j'ai évoqués ne la font pas, puisqu'ils se placent d'emblée dans une position où la vérité est réductible à la justification ou à la garantie. Bon. À juste titre, Cohen dit qu'il faut évidemment faire cette différence. Donc, par exemple, en sorte qu'une analyse de la justice, par exemple, peut être garantie, nous pouvons avoir des raisons de l'accepter, mais pas vrai. Même si, pour nous répéter, dit Cohen, cela ne veut pas dire que la vérité soit une propriété substantielle nécessairement différente de la garantie, ni davantage que l'on présente cela comme une analyse de ce qu'est la vérité en tant que propriété, qui la distinguerait de la garantie. Mais on évitera, simplement, dit Cohen, de prétendre qu'il soit impossible de rien dire d'informatif sur la question. Vous voyez les précautions. Quatrième caractéristique, enfin, la vérité est importante. Et étant donné que la vérité est différente de la garantie, la vérité est importante d'une manière différente dont est importante la garantie. C'est page 27 dans donc, le texte « Truth and Public Reason ». On peut donc, selon Cohen, donc, inclure la vérité dans l'espace des raisons, au sein du débat public, sans pour cela introduire des convictions substantielles lourdes. Souvenons-nous, dit-il, que la raison publique de la démocratie est un terrain d'argument. Et cela peut suffire lorsque cela est mis, par exemple, nous sommes mis au défi, par exemple, de présenter un argument en faveur de la liberté de conscience, qui s'appuie sur un terrain commun avec des prémisses partagées. Si l'on assume que les prémisses sont vraies, alors on n'a besoin de rien de plus pour autoriser une assertion qui dirait que cette proposition est vraie. On n'a pas besoin de comprendre une assertion de vérité comme quelque chose qui engagerait le locuteur à présenter cette assertion de vérité dans toute son amplitude. Je traduis « a full display ». Bon. Pas plus que l'assertion selon laquelle la justice requiert la liberté de conscience n'a besoin d'être comprise de cette façon. Même si les assertions engagent un locuteur à présenter une justification, elles n'ont pas à exprimer des engagements dans toute leur profondeur. Page 36. Donc, vous voyez, Cohen considère à partir de là qu'une conception donc, politique de la vérité, qui combine un concept donc, minimaliste de la vérité, une défense aussi de l'importance de la vérité pour le débat public, permet de réintroduire le concept de vérité que des auteurs comme Rawls et a fortiori Rorty avaient rejeté de l'espace public, en restreignant, vous le voyez, son usage à des engagements, au fond, qui n'ont pas trop de poids doctrinal. L'objectif étant de parvenir, au fond, à un assez bon consensus, à celui qui, partisan d'une position en faveur de l'absence totale du concept de vérité dans le débat public, et donc à son exclusion pure et simple, y compris au sens minimaliste, voici ce que répond Cohen. même si les revendications de vérité invitent à déployer le concept dans toute son amplitude, il peut n'y avoir rien à objecter à présenter une doctrine dans toute son amplitude qui pourrait mener éventuellement à un terrain d'entente commun. Celle-ci pourrait dire, par exemple, qu'il y a de bonnes raisons, fondées sur une doctrine plus large, qui sous-tend ma conception, selon laquelle un principe de liberté fondamentale égale est vrai. En même temps, ajoute-t-il, j'ai pleinement conscience du fait que d'autres puissent être en désaccord avec la doctrine et aient leurs propres raisons en faveur de l'adoption du principe de liberté. Mais ce que nous partageons, c'est une compréhension commune de ce qu'exige la justice et une conviction sur la vérité de cette exigence. Je comprends que d'autres adoptent cette exigence et assertent qu'elle est vraie pour d'autres raisons que les miennes. Un exposé de la vérité dans toute son amplitude n'a pas besoin de nous diviser. Il peut inclure la présentation de mes raisons d'accepter le terrain commun que nous sommes tous supposés occuper. Bien sûr, l'exposé dans toute son amplitude ne fournira pas de justification publique, mais après tout, il peut aussi jouer un rôle constructif. Page 37. Donc vous voyez, le concept de vérité, Cohen le dit en toutes lettres, n'est pas anti-métaphysique, il est seulement non-métaphysique. Il est neutre et il ne suppose aucune théorie de la vérité, simplement un concept, même s'il est entendu aussi qu'une approche qui serait purement déflationniste de ce concept ne pourrait pas non plus faire l'affaire. Aussi opte-t-il, comme je l'ai dit, pour une approche non pas déflationniste, mais minimaliste, vous vous souvenez des différences, n'est-ce pas, dont il pense qu'il suffit à la fois, au fond, à protéger de controverses inutiles sur la nature de la vérité et à remplir son office dans le débat public. Page 15. Mais évidemment, il y a ici plusieurs questions que nous sommes en droit de nous poser. Le concept politique de vérité ne concerne que la raison publique, donc, et son introduction n'a, selon Cohen, de justification que si on l'isole d'autres préoccupations qui pourraient lui être associées. Contrairement à Rawls, Cohen réintroduit donc le concept dans l'espace public, rejette le principe que Rawls qualifiait de restriction ou d'abstinence épistémique. Mais on peut évidemment se demander exactement, comme on peut le demander à Rawls, ce qui justifie d'isoler ainsi le concept de vérité, et si c'est même tout bonnement possible. Ainsi, comme l'ont suggéré certains, comment savons-nous que les débats philosophiques sur la nature de la vérité n'empiètent pas sur le domaine de la raison politique? Est-ce que l'idée selon laquelle il pourrait y avoir, par exemple, un fait décisif, a fact of the matter, qui nous permettrait finalement de déterminer quand un embryon devient une personne, ne doit absolument pas être pris en compte dans le débat public? Ne peut-on remettre en cause ceux qui considèrent que la vérité vient de la révélation, que la création est aussi valable que la théorie de l'évolution? Ensuite, comment allons-nous justifier l'inclusion comme l'exclusion que nous sommes donc amenés à faire, n'est-ce pas, de certaines questions de la raison publique? Ici encore, on retrouve un peu l'objection que nous avions faite à Eslund, à savoir, cela revient bien à disqualifier a priori, si vous voulez, et à considérer comme illégitime politiquement des raisons, sans pour cela nier qu'elles soient de bonnes raisons. Et nous ne sommes pas très loin, en fait, vraiment, de l'abstinence épistémique de Rawls, en réalité. Il n'est donc pas certain que Cohen ait réellement réintroduit la vérité dans la politique et dans l'idéal démocratique. Enfin, qu'est-ce qui permet vraiment de justifier que nous n'ayons pas le droit de faire appel à un concept plus épais de la vérité que le concept minimaliste? Le minimaliste nous dit qu'asserter que P, c'est asserter n'est-ce pas, la vérité que paix. Mais si cela ne présuppose pas, d'une certaine manière, qu'il y ait un fait décisif, à charge pour nous alors, évidemment, de donner des critères qui nous permettent d'en circonscrire la nature pour en justifier l'introduction dans l'espace politique. Bref, qu'il y a un moyen de savoir si nous sommes dans le vrai et non dans l'erreur, comment la discussion publique peut-elle vraiment commencer à avoir lieu ? Est-il impossible, autrement dit, sans sombrer pour cela dans le sectarisme, de faire un peu mieux ? Est-il vraiment impossible de proposer quelque chose d'autre que de parvenir au consensus, c'est-à-dire de parvenir à des assertions dont nous pouvons dire, ou au moins dont nous pouvons espérer, qu'il sera possible de dire qu'elles sont vraies ou fausses. C'est évidemment ce que j'ai essayé de faire en vous proposant de construire un concept de vérité autour des 7 idées que j'ai proposées au cours des autres séances. Ce faisant, vous l'aurez compris, je n'ai pas cherché à examiner, comme le font les théoriciens principalement de la démocratie, les conditions de légitimité de la démocratie. C'est vraiment cette question qui est au centre de leur discussion. Ce que j'ai plutôt cherché à faire, du moins à commencer à faire, car c'est un large chantier, vous vous souvenez, j'avais évoqué 4 grands groupes de questions, j'ai simplement commencé peut-être à tracer les contours de la première série de questions. Bon, ce que j'ai donc essayé de faire, c'est plutôt à vous proposer de défendre en quelque sorte la démocratie en partant simplement, tout simplement, d'une analyse du concept de vérité et de ce qu'à mon sens, il permet de mettre en lumière. Donc je voudrais à présent essayer de préciser quel bénéfice il me semble que nous avons pu tirer d'une telle analyse pour une défense de la démocratie. En tout cas, ce qui est intéressant, me semble-t-il, dans l'approche, c'est qu'elle nous montre que la vérité, pour les pragmatistes, c'est toujours quelque chose qui nous conduit vers le vrai, sur le chemin de nos croyances, des pratiques qui leur sont associées, sur le chemin aussi de l'enquête, de la délibération, qui souligne en permanence la nécessité qui est la nôtre de nous intéresser de près aux propositions auxquelles nous sommes parvenus, que nous avons exprimées, affirmées, crues, comme à celles qui, correspondant à nos attentes futures, auxquelles nous parviendrons, ce qu'à leur tour nous exprimerons, et qu'à leur tour nous exprimerons, affirmerons ou croirons. Cela veut donc bien dire, fondamentalement, que la vérité ne peut pas être l'objet d'une visée abstraite. Comme le disait David Wiggins, qui louait dans l'approche pragmatiste de la vérité, en faisant de ce qui nous occupe sur ce chemin un centre d'intérêt actif, nous découvrons chemin faisant quelque chose sur ce que nous visons, la vérité. Aussi, la vérité n'est-elle jamais, pour un pragmatiste justement, une notion qui serait, comme on a curieusement tendance à le penser parfois, réservée à l'épistémologie. Et c'est pourquoi il m'a semblé qu'il était possible justement d'en utiliser toutes les facettes pour essayer d'élaborer un concept qui tienne la route, si j'ose dire, dans le domaine de la politique. Récapitulons, si vous voulez bien. Je pense tout d'abord que pour apprécier la valeur d'une telle analyse, il nous faut nous souvenir des raisons principales, donc, pour lesquelles ceux qui sont hostiles à l'introduction de la vérité dans le domaine politique le sont. Ils le sont, je répète, parce qu'ils sont. Ils considèrent que le concept de vérité charrie avec lui une vision absolutiste, sectaire, et une vision métaphysique, voire théologique des choses. Mais comme je l'ai dit, cela procède le plus souvent soit d'une confusion entre la vérité elle-même et l'attitude que l'on croit pouvoir adopter à son égard, soit ce que l'on associe la vérité à une conception correspondantiste, le plus souvent, de la vérité dont nous avons vu qu'elle est problématique. Cela vient ensuite de ce que l'on accorde peut-être aussi trop d'importance, donc au concept de vérité lui-même et aux connotations qu'il peut avoir, en oubliant que ce concept doit en permanence être pensé en relation avec les croyances et les assertions. Il y a donc bien une vision théologique de surplomb, un point de vue de nulle part qui empêche bien des personnes, je crois, de voir que ce dont nous partons, en fait, toujours, ce sont de nos croyances, de nos assertions, et non pas d'on ne sait où. Or, un coup d'œil à ces croyances nous montre que la vérité en est bien un trait constitutif. Lorsque nous croyons quelque chose, nous ne pouvons pas faire autrement que croire que c'est vrai. Sans doute pouvons-nous nous tromper ce faisant, et bien entendu, il importe ensuite de justifier, de produire des raisons de ce que nous assertons, mais cela doit être notre point de départ, et il n'y en a pas d'autre. Dire cela, c'est tenir pour acquis que, d'entrée de jeu, nous nous plaçons dans une perspective où, en premier lieu, nous refusons de considérer que nos assertions pourrait recevoir le qualificatif de vrai parce qu'elle serait fondée sur un point de départ fondationnel, infaillible, et par là même impossible à remettre en cause, soit comme nous l'avons vu dans le cas de Habermas, parce que nous pourrions produire une justification transcendantale dans laquelle nous procédons, c'est au fond quelque chose comme un vœu pieux. Pas plus qu'il ne peut y avoir de fondement infaillible, il n'est possible d'envisager que nos croyances soient une fois pour toutes parvenu à la vérité. De même que le scepticisme radical est une impossibilité, parce que nous ne pouvons pas remettre en cause sans d'excellentes raisons ce que nous croyons. Il n'y a pas de doute de papier, nous ne doutons de nos croyances que parce que des arguments nous ont convaincus de leur faiblesse, ou plus encore parce que nous avons rencontré une expérience qui nous a obligés, par le choc profond qu'elle a produit sur nous, à les remettre en cause. De même, et en un sens, pour les mêmes raisons, nous ne pouvons pas nous placer dans une perspective autre que faillibiliste. Aucune de nos croyances, aucune de nos assertions ne peut être considérée comme vraie une fois pour toutes. Et pour cette raison même, nous devons mettre tout en œuvre du même coup pour nous assurer qu'elles résistent bien à l'examen, ce pourquoi nous ne pouvons pas vivre en ermite. Nous devons partager nos idées, les soumettre à l'avis des autres, entrer dans le processus le plus ouvert possible de la délibération. Être convaincu aussi que nous avons plus de chances à plusieurs de parvenir à des croyances correctes que tout seul. C'est tout le sens du concept d'intelligence scientifique qu'essaie de construire Peirce, très proche en fait de ce que certains aujourd'hui ont à l'esprit quand ils prônent toute la valeur et les mérites qu'il pourrait y avoir à essayer de travailler le concept de sagesse collective, travaux tout à fait intéressants, sur lesquels je vous renvoie par exemple aux analyses de Hélène Landemort, qui a beaucoup travaillé ces dernières années sur ce concept de sagesse collective. Ben. Montrer que la vérité est indissociable aussi de l'assertion, c'est bien voir que toute affirmation de vérité s'inscrit, ainsi que l'ont rappelé à la suite de Peirce des auteurs comme Carlotto Appel ou Habermas, dans un processus sinon de dialogue, à tout le moins, vous voyez, de communication, aux règles desquelles donc il convient d'être extrêmement attentif, bien sûr. Alors sur ce point, il y aurait encore naturellement beaucoup à dire. Asserter, comme je l'ai dit très vite, c'est s'engager, mais c'est aussi se battre quand même pour imposer ce que l'on croit, pour imposer ses idées. Se placer dans une telle perspective, comme celle que j'ai proposée, suppose bien entendu que l'on ait donc aussi une approche foncièrement expérimentale de la connaissance. C'est le sens que j'ai toujours donné, vous le savez, à l'enquête, dont j'ai rappelé lors du dernier séminaire en quoi elle consiste, sur quelle méthode aussi elle s'appuie, à savoir la méthode scientifique, supérieure aux autres méthodes, dont la méthode d'autorité, de ténacité, la méthode a priori ou subjective, supérieure parce qu'elle seule est capable d'assurer la stabilité de nos croyances, non seulement parce qu'elle suit des procédures argumentatives rigoureuses, mais même, je dirais, des procédures inférentielles rigoureuses. Putnam parle de maxime plus que d'algorithme, mais enfin, les méthodes que Peirce propose de suivre dans l'enquête, ce sont bien des méthodes d'inférence, Ce sont l'induction, la déduction et l'abduction. C'est plus que des maximes, n'est-ce pas ? C'est justement parce que ce sont des méthodes scientifiques inférentielles qui nous permettent de montrer la validité des assertions que nous faites et des inférences que nous formons que la méthode scientifique a une première qualité qui doit être celle de nous informer, d'être capable de nous informer de la réalité. S'agissant donc du premier point, c'est-à-dire comment, au fond, grâce aux méthodes inférentielles, aux méthodes argumentatives rigoureuses que nous suivons, il y a dans la méthode de l'enquête scientifique, par rapport aux méthodes subjectives d'autorité, ténacité ou a priori, une supériorité. Bien, vous l'aurez compris, c'est que si on veut vraiment faire jouer un rôle à la vérité en politique, il faudra le faire en étant attentif, assurément, aux effets pervers des autres méthodes spécieuses. Donc, comme je l'ai souvent dit moi-même, souligner à quel point parvenir à une bonne décision, c'est être en mesure non seulement de justifier, mais de le faire dans un certain état d'esprit, ou encore de suivre un certain nombre de vertus, non pas éthiques, respect des autres, mais surtout, principalement, épistémiques, comme celles que nous avons examinées l'an dernier. Honnêteté intellectuelle, intégrité, attention aux discours des autres, aux arguments qu'ils invoquent, modestie épistémique, à quoi on l'a vu du reste, Esloun au moins semble attentif. Être aussi attentif au fait que nous ne projetons pas, sans le savoir, nos certitudes morales, nos préjugés moraux, sur les autres dans la discussion. En examinant l'autre jour au séminaire le modèle duwayen de la démocratie, j'ai fait remarquer, en suivant les observations de Robert Tallis sur ce point, que si Dewey était bien comme Peirce, celui à qui on devait d'avoir mis en lumière tous ces aspects, que je juge pour ma part importants, il n'était pas certain que l'on puisse jusqu'au bout le prendre pour modèle dans une défense aujourd'hui de la démocratie, précisément parce qu'au lieu de s'appuyer sur des critères purement épistémiques, liés à la situation du chercheur dans l'enquête, comme ceux que je viens de souligner, toute l'argumentation duwayenne suppose que l'on admette l'adhésion au principe qui guide toute son entreprise et qui faisait d'ailleurs dire à Putnam, en dépit de l'admiration qu'il avait pour le modèle duwayen, que Dewey restait prisonnier d'une certaine métaphysique de la valeur. À savoir que la démocratie est, comme vous le savez pour Dewey, d'abord et avant tout, une forme de vie dont le principe directeur doit être celui de réaliser l'épanouissement humain. Et c'est ce qui explique pourquoi certains commentateurs, notamment Tallis et Misak, ont montré qu'il y avait des tensions quand même assez problématiques dans la position de Dewey sur la démocratie. Dewey ne cesse aussi de dire que son modèle de progrès scientifique, de connaissance, ne réside pas dans l'acquisition de certaines croyances vraies, ni même dans la forme que pourrait prendre un progrès intellectuel en général. C'est un progrès dans l'acquisition de certaines pratiques, non vers la vérité de certaines. Ni même encore le progrès que l'on pourrait faire dans certains arrangements politiques, par le biais de décisions qui les rendraient alors mieux justifiées, mieux étayées. Non, c'est le progrès vers une meilleure manière de vivre. Et c'est là une ambiguïté qui est toujours présente, comme certains l'ont fait observer, chez les partisans d'une démocratie profonde, très inspirée par la pensée duwayenne, qui insiste sur le fait que la démocratie, c'est ce qui permet aux uns et aux autres d'être en désaccord, mais aussi de participer à une manière de vie commune. Mais y a-t-il place dans un tel modèle à des arrangements qui sont typiques aussi de la démocratie, tels que les désaccords avec la minorité, où un groupe de citoyens a le droit de ne pas être d'accord avec les choix de la majorité? Si ces citoyens ne sont pas d'accord, comment peuvent-ils l'être sans dire qu'ils sont en désaccord sur la vérité de certaines affirmations? Et s'ils ne sont en désaccord que sur la base du fait qu'ils partagent une certaine sorte de vie ou qu'ils font des assertions communes, comment peuvent-ils être en désaccord sur les faits que les assertions de la majorité sont fausses? S'agissant du deuxième point, cela suppose aussi assurément plus que beaucoup ne sont prêts à l'accepter et qu'à mon sens, Tallis, du reste, ne voit lui-même. Considérant que la supériorité sur Dewey, par exemple, de l'approche peircienne de la démocratie, tient non seulement, ce que je lui accorde, au fait que Peirce s'efforce de défendre un idéal politique que l'on peut exploiter aujourd'hui pour défendre la démocratie en s'appuyant uniquement sur des caractéristiques épistémiques et non sur la base d'un modèle éthique. Mais parce qu'il y aurait, pense Thalys, à la différence de Dewey, qui a une approche substantielle lourde, n'est-ce pas, comme celle que nous venons d'évoquer à propos de ce concept de démocratie comme manière de vivre, une approche philosophique, dit Thalys, très modeste. Alors, on peut admettre une telle appréciation s'il s'agit de dire que le modèle pragmatiste peircien est en effet un modèle purement instrumental, Peirce n'ayant jamais entendu le pragmatisme comme une doctrine, mais simplement comme un outil, une méthode de clarification de nos énoncés, et donc jamais comme une fin en soi, mais cela l'est beaucoup moins, en revanche, si l'on tient compte du fait que la seule utilité, en quelque sorte, de cet outil qu'est le pragmatisme, c'est précisément de permettre, une fois la philosophie purifiée, des pseudo-problèmes, de procéder à l'élaboration d'une métaphysique scientifique et réaliste, dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'a rien de léger en termes d'engagement substantiel. Et c'est précisément du reste ce que l'on voit déjà dans la manière dont Peirce considère que si nous voulons suivre une méthode qui soit à même de nous aider dans notre visée de la vérité, nous n'aurons aucune chance d'espérer y parvenir si nous ne confrontons pas en permanence nos croyances à celles des autres, par les arguments, par les délibérations, par les preuves que nous pouvons produire, mais aussi si nous ne présupposons pas que la réalité est en dernière analyse qui permettra de départager nos croyances vraies des fausses et assurer par là même la stabilité de nos croyances. Autrement dit, vous voyez, fait partie intégrante de la conception peircienne de la vérité, l'idée qu'il faut l'entendre non pas certes au sens d'une correspondance de nos croyances avec les réalités, mais à tout le moins au sens d'un accord possible, comme je l'ai dit, avec elles. Bref, il ne peut pas y avoir, si vous voulez, de croyances vraies ou fausses, il ne peut y en avoir que si nous nous engageons en faveur d'un certain réalisme. C'est du reste aussi ce qu'avait parfaitement vu Hilary Putnam, dont tout l'itinéraire aura consisté, comme j'ai essayé de le montrer, à passer de la critique du réalisme métaphysique, ce qu'il appelle externalisme, à un réalisme interne, puis à la lumière de l'insuffisance des critères que lui permettait d'avoir ce réalisme, incapable, notamment comme il le montre dans ses discussions avec Rorty, de le préserver de la perte du monde, de tenter de proposer un réalisme naturel, ou qu'il dit encore pragmatique. Nous n'avons peut-être pas besoin, si nous voulons échapper au scepticisme et au relativisme, comme je le disais, d'adopter une métaphysique réaliste scientifique, une métaphysique qui suppose l'existence d'universo, mais à tout le moins, je crois que nous sommes obligés de nous engager, si nous voulons donner sens à l'idée de vérité en politique et nous en servir comme d'un concept fécond pour défendre la démocratie, d'un minimum de réalisme, ce à quoi je crois ne sont, à ma connaissance, pas encore disposés à faire un certain nombre, pour ne pas dire la totalité, des théoriciens de la démocratie délibérative. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 29 mars 2017, Claudine Tiercelin, « Connaissance, vérité et démocratie ». Aujourd'hui, de l'approche épistémique à l'approche pragmaticiste. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Claudine Tiercelin. Elle a notamment publié Le ciment des choses, petit traité de métaphysique scientifique réaliste aux éditions Étac en 2011. Et je rappelle son ouvrage Le doute en question, publié en 2005 et reparu en 2016, augmenté d'une postface. Réalisation Anne Sécheret, présentation Mérine Meneghetti. Demain, nous achèverons la grande enquête de Claudine Tiercelin sur les relations entre vérité, démocratie et connaissance. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.